une histoire particulière. L'alpiniste de légende meurt en montagne en moyenne à un peu moins de 40 ans. Marco Siffredi fut le plus jeune, 23 ans, et Jacques Balma, le plus vieux, il avait 72 ans. Walter Bonatti arrêta le grand alpinisme à seulement 35 ans et mourut sagement dans son lit à 81 ans, après avoir vu la mort de près à au moins 3 reprises. Aujourd'hui, Hélène Dely et François Teste partent sur les traces de l'histoire du sauvetage des Drus et de l'alpiniste Gary Hemming, le vagabond des cimes. Ce sont des moyens colossaux qui sont mis en œuvre pour venir à l'aide des naufragés des Drus. Ces deux Allemands qui sont partis depuis dimanche matin à 6h et dont on ne sait pas s'ils sont bien vêtus, s'ils ont de quoi se couvrir, s'ils ont des vivres et s'ils ont de quoi boire. L'hélicoptère ce matin les a repérés. Ils avaient, paraît-il, un anorak pour deux hommes. Cela est significatif et prouve qu'il faut faire le plus vite possible maintenant pour arriver près d'eux. Gary Hemming, le vagabond des cimes. Un documentaire d'Hélène Dely et François Teste. Le sauvetage des Drus, la naissance d'un héros. Ça, c'est en souvenir du 50e anniversaire du fameux sauvetage aux Drus. Avec Gary, des maisons, et ça c'est les trois survivants, François Guillot, Gerhard Bauer et moi-même, Lothar. Et là sur cette photo, donc vous posez tous avec les guides aussi, c'est ça? Et ce sont des sauveteurs, des pelotons de gendarmerie de haute montagne, c'est le PGHM. Et là donc le pic qu'on voit derrière, qu'est-ce que c'est? Ça c'est les Drus. La face ouest, ce côté ouest, voilà. Ça c'est les fameux survivants parce qu'on était 8 au sauvetage. Chamonix, 14 août 1966. Le temps est encore au beau lorsque Heinz Ramisch et Hermann Müller, deux jeunes alpinistes allemands âgés de 25 et 23 ans, attaquent la face ouest du sommet des Drus, dans le massif du Mont Blanc. Trois jours plus tard, les deux alpinistes se font surprendre par le mauvais temps, alors qu'ils sont presque arrivés au sommet. Bloqués sur une vire, ils décident d'attendre les secours. Mais le sauvetage s'avère complexe. 10 jours d'incertitude, 10 jours de feuilleton médiatique, au terme desquels surgit un alpiniste hors norme, érigé du jour au lendemain en héros national. Il s'appelle Gary Hemming, il a 32 ans, il est né à Pasadena, en Californie, et il s'est formé à l'escalade dans le Yosemite. Séduite par ses allures de clochard céleste et par son sens de la répartie, la presse lui donne déjà un surnom, le beatnik des cimes. La vraie histoire, c'est deux alpinistes en perdition. Si on ne va pas les sauver, ils meurent. Yves Balut. Parce qu'ils étaient sur une petite vire. En fait, ils se sont arrêtés parce qu'ils ont eu la trouille, simplement. Ils n'étaient pas en danger, soit ils n'ont pas eu l'audace de continuer là où ils étaient. Il y avait une longueur assez difficile, c'est très exposé, donc c'est impressionnant. Et donc ils ont eu un moment de trouille, ils ont dit non, on peut plus, et ils étaient à un endroit où ils peuvent pas redescendre, enfin très difficilement redescendre, donc ils sont arrêtés. Or, les alpinistes qui ne bougent plus, c'est une piste en difficulté, on le sait. Si on reste là où on est, en montagne, on est voué à mourir. Donc on déclenche les secours. Et là, les secours, c'est quoi? Alors, depuis l'affaire Vincent Drouet-Henry, les secours sont organisés. Il y a des organismes qui sont, l'un après l'autre, 15 jours chacun, chargés de ces sauvetages. Les organismes, c'est quoi? C'est l'école de haute montagne, c'est les militaires, c'est la compagnie des guides, les guides de Chamonix, et c'est l'école nationale de ski d'alpinisme, celle qui forme les guides. Et là, c'était le rôle de l'EHM. L'EHM qui mobilise 40 alpinistes. Et avec comme stratégie de dire, on va monter au sommet, par la voie normale, la plus facile. On redescendra en rappel jusque là où sont les alpinistes allemands, et puis on va les remonter. sauf ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Antoine Chandelier. La météo est exécrable, puis un brusque refroidissement. Or, ça va être très compliqué pour eux parce que le haut de la paroi est gelé, c'est une patinoire. Donc, ils vont avoir beaucoup de difficultés à atteindre les deux Allemands. Du coup, face à cette difficulté, on sollicite l'École nationale de ski alpinisme avec la compagnie des guides. Mais ça va prendre du temps. Entre-temps, bien, il y a cette équipe d'alpinistes, secoureurs, sauveteurs pirates, emmenés par Gary Hemming. C'est Gary Hemming qui est vraiment le moteur. Parce que Gary Hemming, lui, il connaît très bien cette face ouest, puisqu'il a réalisé avec Royal Robbins la directe. Et lui, dans son idée, pour les descendre le plus rapidement, c'est passé justement par cette directe. Lothar Mohr, vous avez participé avec Gary Hemming au sauvetage des Drus, et c'est même avec vous qu'il a pris la décision de se lancer dans cette aventure, en fait. Comment ça s'est passé au départ ? Gary, elle avait réalisé qu'il y avait une seule façon de le sauver rapidement, c'était de faire la face ouest. Il m'avait dit, bon, ben moi, je vois ça comme ça. Et mon rôle d'alpiniste, c'est de sauver. Moi, je lui dis, oh, ben non, mais moi, je suis pas assez fort, j'ai pas assez d'expérience. J'ai grimpé en haute montagne seulement pendant deux saisons. Vous aviez quel âge ? J'avais 30 ans. Gary, il avait 4 ans de plus que moi. Donc, il a dit, moi, je vais y aller, je vais le sauver. Parce que là, Les militaires, ils vont jamais réussir. Et on était tous les deux, on a vu le fameux colonel Gonnet. Il a dit, OK, aucun problème, je vous donne la couverture, l'assurance, vous pouvez prendre tout le matériel qu'il vous faut, mousquetons, cordes, tout ce que vous voulez. Donc on a trouvé des copains... alpiniste, il y avait 6 personnes, il y avait Gary Hemming, et bien il y avait Lothar Mohr, il y avait Gilles Baudin, il y avait François Guillot et Mike Burke. J'ai oublié quelqu'un ? Non. Gerhard Bauer. Gerhard Bauer, voilà, mon compatriote Gerhard Bauer. Gary Hemming, c'est vrai qu'il y a ce personnage qu'on présente comme très bohème, très pur, voilà, à l'état de nature, c'est presque le bon sauvage de Rousseau, hein, voilà, très fort grimpeur. Dans les premiers échanges qu'il a avec Lothar, parce que je crois que c'est avec Lothar, ils sont côté italien, il voit un article du Dauphiné, je crois, hein, disant qu'il y a deux Allemands en perdition, etc. Sa première motivation, c'est le défi du grimpeur, parce que c'est un très fort grimpeur. Après, il y a forcément, comme on le présente, c'est quelqu'un qui est généreux, qui veut aider son prochain, etc. Mais je pense que l'un va pas sur l'autre. Il y a aussi le fait que... Puis, il voit l'endroit où sont les Allemands. Lui, c'est un peu son jardin. C'est là où il a ouvert sa directe américaine. Donc, je pense qu'il se sent utile. Mais après, il y a aussi l'exaltation du secours. Parce qu'il y a quelque chose de noble quand on est grimpeur alpiniste, c'est encore plus que de gravir une paroi, c'est d'aller sauver un autre alpiniste, quoi. Et puis il a un enthousiasme communicatif, c'est pour ça qu'il va. Il y a son ami Lothar, après il circule dans Chamonix, au volant de la voiture décapotable de Lothar, je crois. Et puis là, il tombe sur François Guillot dans les rues, qui lui est un fort grimpeur, c'est la bande des Marseillais. Voilà, il y a une espèce d'effet d'entraînement. Donc voilà, mais après, c'est vrai que c'est Hemming qui est l'âme de ce secours. François Guillot, ouais. Vous faisiez partie de l'équipe de Gary Hemming, ouais, dans le sauvetage des Drus en 1966. Et on raconte que c'est vous qui avez grimpé en tête tout le long de ce sauvetage. Oui, on peut présenter les choses comme ça. Il faut revenir un peu en arrière. Je connaissais Gary des Calanques. Dans sa tête, j'étais un bon grimpeur, en tout cas pour les critères de l'époque. Et il voulait une équipe costaud, donc quand il m'a vu, il m'a dit « Oh, tout content !» Il m'a recruté en me vendant l'intervention comme une manière de faire la face ouest que je n'avais pas faite. et de redescendre par la directe américaine, ce qui m'aurait permis de la connaître pour pouvoir ensuite aller faire la seconde ou la troisième, je sais plus. Et ça a été un peu la tête et les jambes, pour parler comme une émission de télé de l'époque. Donc lui, c'était le concepteur. Moi, j'étais très en forme ce jour-là, et donc j'ai tout fait en tête. Voilà. Qu'est-ce qui vous motivait, en fait, vous, François Guillot, à l'époque? Oui, moi, faut voir le contexte. J'avais même pas 23 ans, c'est-à-dire fort jeune, et j'étais plutôt préoccupé par faire des trucs difficiles, faire des projets qui me faisaient briller les yeux, me bâtir une réputation, et le sauvetage des deux Allemands, en fait, j'en avais pas à faire grand-chose, parce que c'était leur problème. Tandis que Gary était beaucoup plus animé, était beaucoup plus compassionnel. Et donc voilà, il voulait faire cette opération selon ses termes. François Guillot faisait partie de la bande des Marseillais. Gary Hemming, lui, il campait vers la Pierre Aorta. C'était le clochard céleste. Hein, c'était l'époque où les anciennes moraines de la mer de glace, il y avait ces campeurs un peu bohèmes qui plantaient leurs tentes. Puis il y avait toute une autre partie, bah, comme Lothar ou comme Gilles Baudin, eux qui logeaient à cet hôtel de Paris, qui était une institution à l'époque, où le showbiz frayait un peu avec ces aventuriers qui n'avaient pas beaucoup de sous et qui dormaient dans les chambres du haut. Certains payaient presque, je dirais, en nature, en petits travaux pour le patron de l'hôtel. Voilà, c'était une ambiance très particulière. À Chamonix, moi, j'avais une chambre dans l'hôtel de Paris à la saison. Ça coûtait 1 franc à cette époque-là. Il pleuvait un peu dedans. Il n'y avait pas de lavabo, il n'y avait pas d'eau, mais c'était 1 franc. Et on appelait ça le 5e étage. C'était la suite des kamikazes. Parce que chaque année, il y en avait plusieurs qui revenaient pas et il y en a d'autres qui prenaient leur chambre. François Guillot, quelle ambiance est-ce qu'il y avait entre les 8 participants, les 8 membres de cette équipe d'outsiders que vous avez formée avec Gary Hemming? Ouais, alors d'abord, on était un groupe de 6 au départ, mais on n'était pas 8. Les deux autres, c'est-à-dire De Maison et Vincent Mercier, sont arrivés après, le lendemain. On n'avait pas du tout la même vision entre les deux groupes. Le premier groupe, c'était pour faire un sauvetage pour la gloire. Le deuxième groupe, c'était plutôt pour un développement médiatique et financier pour une opération d'un professionnel de la montagne qui avait ça surtout comme objectif. Donc quand on s'est regroupé entre Gary, qui était, disons, le leader charismatique du groupe de 6 et De Maison, ça a été un peu tendu, parce que De Maison, au début, était grande gueule, quoi. Il voulait dire « je passe devant ». Gary, « non, c'est nous ». Mais bon, il est resté derrière. Et il a bien fait, du reste, parce qu'on lui a envoyé la corde 2 fois pour qu'il puisse nous suivre, parce qu'il a fait 2 chutes, dont une de 17 mètres, dont il a dû se souvenir pendant un grand moment. Qui ça, René De Maison ? René De Maison, oui. Il faut savoir qu'à l'époque, donc René De Maison, c'est un alpiniste Antoine Chandelier, tempérament un peu méridional. Il est périgourdin, il n'est pas vraiment du milieu, pas du sérail, il casse les codes, il est très fort. Et il vit de ça, de la montagne, de ses exploits. Alors il est engagé à la compagnie des guides de Chamonix, qui a ses codes, ses règles. Il est un peu en marge, déjà, même avant ce secours. Or là, il va se joindre à l'équipe de Gary Hemming, un peu en franc-tireur. Et ce qui va lui valoir son exclusion de la compagnie des guides de Chamonix. Or, après cette exclusion, il va se faire passer pour martyr en disant « Oui, je suis allé, on m'a fait payer le fait que je suis allé secourir 2 hommes. » Or, on se rend compte que dans le récit et le déroulé du secours, finalement, De Maison ne joue pas un rôle décisif, qui est plutôt joué par Gary Hemming, François Guillot, les grimpeurs auxquels il se rallie. Un peu par opportunisme, on va dire. De Maison, il a flairé un truc intéressant. Yves Balu. D'abord, il est très fort. De Maison, c'est un alpiniste très très fort. Il connaît très bien la face ouest aussi, il l'a faite même en hiver. Et il aime bien les médias. Il entretient un lien, s'est nourri, et notamment avec Paris Match. Et il connaît bien Gérard Géry, qui est journaliste, mais qui guide aussi. qui est journaliste à Paris Match. Des maisons avant de partir, à Pégérie, elle lui dit, dis-donc, pour 10 000 balles, je te fais un reportage exclusif. Ah, j'aurais dit, bien sûr, allons-y. Et donc, Des Maisons est parti, avec évidemment comme premier objectif de sauver ses alpinistes, évidemment. Deuxième objectif, d'être sous les feux des projecteurs, et d'être reconnu, d'être connu, reconnu, il écrivait des bouquins, et puis troisièmement, d'avoir de l'argent. Dans la progression de cette équipe de j'appelle ça les barbarians, les pirates, les francs-tireurs, en fait, les deux hommes de tête, c'est Gary Hemming et François Guillot. Deux maisons à Mercier sont juste derrière. Puis les autres, Baudin, Lothar Mosch, etc., eux montent du matériel. Voilà, donc il y aura tout le temps de l'ascension pour arriver sur la vire. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que après eux, donc il y a la troisième équipe, et deuxième officielle, celle des moniteurs guides de l'ENSA et des guides de Chamonix, qui passent par la face nord, et finalement qui est la plus rapide. Donc en partant après eux, ils arrivent quasiment au même moment à hauteur des Allemands, mais ils sont un peu plus loin que les Allemands. Il y a une grande traversée. Et c'est là où il y a une négociation qui s'engage. Et du côté de la cordée de l'ENSA et des guides de Chamonix, on dit, bon, c'est à nous de les descendre, par la face nord, c'est plus rapide, etc. Et donc là, De Maison et Ming décident de descendre, hein, n'obéissent pas aux ordres, hein, et puis aux consignes, hein, des secours classiques, on va dire. Les guides ont communiqué avec Gary et René, ils ont dit oui, on a ordre de prendre les Allemands, passez-nous les Allemands. Finalement, les Allemands, quand vous les deux jeunes alpinistes allemands, quand vous les trouvez, ils sont plutôt en pas trop mauvaise forme, en fait. De tout en tout, ils sont restés quand même 9 jours. Oui, c'est ça. Comme des bons Allemands, ils ont divisé leur nourriture. Quand Gary et François étaient arrivés, ils ont même offert on vous offre quelques raisins secs. Ils avaient encore des raisins secs et des amandes. Et donc, il y avait sur cette vire, maintenant les deux Allemands, mais qui étaient en très mauvaise forme. Ils n'étaient pas malades, ils n'avaient pas des engelures. Mais ils étaient très affaiblis, ils ne pouvaient plus faire les manœuvres. Donc il fallait le vraiment trembler comme un sac de pommes de terre. Et en plus, ils étaient choqués, ils faisaient tout ça à l'envers, il fallait les sauver. Et René, il a dit, on les descend comme ça, on les descend par la directe américaine. Quand vous y repensez aujourd'hui, François Guillot, à ce sauvetage, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu une aventure quand même un peu hors du commun par rapport à d'autres choses que vous avez fait dans votre carrière de grimpeur, ou est-ce que finalement ça vient s'ajouter à... Oh oui, quand même, parce que c'était la première fois que je faisais autant de bivouacs d'affilée dans une paroi. On a quand même fait 5 bivouacs, 4 jours en paroi. Ça commence à être important, surtout qu'on n'avait pas prévu d'y passer autant de temps. À la fin, on commençait à avoir un peu faim quand même. En quoi ça consiste de bivouaquer en paroi, François Guillot ? Bivouaquer en paroi, ça dépend quelle paroi et quel contexte, parce qu'aucun bivouac n'est pareil. Ça dépend de la topographie du lieu. Ça peut être couché dans un hamac pendu par deux pitons, ou ça peut être mal assis sur une espèce de banquette de 50 cm de large et dormir comme ça en position fœtale. Mais on arrive quand même à récupérer. Donc il y a des gens qui ont fait ce type de bivouac 10 jours d'affilée en s'en sortant très bien. Mais ça demande quand même un minimum d'entraînement, de conditions physiques, etc. Et la nuit, on est bien installé. On avait à manger. Mais il y a un orage qui est terrible, qui a vraiment jamais dans ma vie, j'ai vu un orage pareil. Tout le monde était foudroyé, tout le monde a pris la foudre, mais personne n'était blessé, personne n'était électrocuté, brûlé. Moi, je me souviens que j'étais 4 fois touché, peut-être plus, parce que c'était quand on prend la foudre comme ça, ça paralyse la cage thoracique et on peut plus respirer. Et on a l'impression que le cœur s'arrête, le cœur ne marche plus. Ici Chamonix. Après 10 jours d'incertitude et d'angoisse, voici les dernières minutes du drame. Les hélicoptères de la gendarmerie et de la protection civile viennent d'atterrir au Rognon où les 10 alpinistes ont bivouaqué cette nuit. Ils prennent place actuellement sous vos yeux à bord des appareils. Et ironie du sort, alors que le temps a été littéralement pourri pendant toute la durée du sauvetage, ce matin, c'est grand beau sur les Alpes. Il était un peu plus de 21h hier soir lorsqu'Heming, Demaison et leurs compagnons, ainsi que Ramisch et Müller, les 2 Allemands rescapés, sont arrivés au bivouac. 80 journalistes à la base des hélicoptères, un hélicoptère avec Gilbert Larriaga, le grand réalisateur de l'époque de l'ORTF. En fait, ce qui joue, c'est la dramatique. Il y a 2 choses, c'est le temps. C'est-à-dire que les Allemands vont rester presque 9 jours là-haut, hein, 10 jours, voilà. Ils ne sont pas blessés, donc ça va, mais bon, il faut se mettre dans le contexte. On est à plus de 3700 mètres d'altitude. On est en été, mais il peut neiger, il fait froid. Ils ont dormi dehors, ils avaient 3 jours de vivre. Et puis, les hommes sont un peu désemparés, vu les moyens de l'époque, pour aller les chercher. Et les secours, y a cette espèce de rivalité entre 3 équipes de secours. Et c'est ça qui met en haleine l'opinion. C'est, va-t-on les secourir ? Il y a une incertitude, etc. Plus l'espèce de rivalité, de la concurrence de circonstances qui se fait jour. Et donc, dans cette histoire, finalement, il y a 2 héros qui ressortent assez rapidement. Donc, c'est Heming, qui n'est pas très connu de l'opinion, il est très connu de milieu de grimpeurs, et de Maison, qui est plutôt connu, mais justement, très vite, c'est le personnage d'Heming qui va charmer. Et de Maison va très vite le sentir dans les interviews, etc. Alors que l'opinion n'est pas forcément au courant qu'il était là aussi, il a vendu le secours, l'exclusivité du reportage photo, etc. Mais non, c'est qu'il y a ce personnage un peu rafraîchissant, il a un look, puis il évoque un peu les idées libertaires de l'époque, on est en 68. Et puis ce côté totalement désintéressé. À l'époque, même de Maison, le respire pas forcément le côté totalement désintéressé qu'avait Heming. Et voilà l'arrivée de Monsieur Heming. Monsieur Heming, le grand. Heming. Gary, laissez-nous travailler, les gars. Gary, il va y avoir un journal en direct à 9h et comment faire d'ici. Gary, viens, Gary. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après ça, quand ils sont descendus au pied de la face ouest, un hélicoptère est venu les chercher. Des Maisons est monté dans le premier hélicoptère. Et là, Gérard Géry a dit à Des Maisons: attends, on s'était mis d'accord, je te donne 10 000 balles, mais pour un reportage exclusif. Ouais. Mais c'est quoi un reportage exclusif? Je veux toutes les photos, y compris celles des autres. Sinon, c'est pas exclusif. Et en réalité, Des Maisons avait été parti avec Vincent Mercier, qui était guide et photographe. C'est lui qui a fait les plus belles photos. Et donc, Des Maisons a dit aux autres: vous me donnez vos pellicules. C'est-à-dire aux autres membres de l'équipe, ouais, Gary Heming. Aux autres membres de l'équipe de sauvetage, tous ceux qui ont fait des photos, il a fait la collecte, il a dit, on ramasse les pellicules. Et à ce moment-là, Gary Heming a dit: tant, t'es gentil, mais sauvetage, on l'a fait tous ensemble. Donc l'argent, on va se partager. Ah. Et c'est comme ça que finalement l'argent était partagé, parce que Gary Heming a trouvé que c'était quand même plus honnête. Je me souviens très bien, c'était 2700 francs chacun, et à cette époque-là, 2700 francs, c'était 2700 euros. Hein. Pour nous, c'était beaucoup d'argent. Voilà. Antoine Chandelier, il y a eu un mort pendant le sauvetage des Drus en 66, un Allemand qui faisait partie d'une des équipes de sauvetage. On en a très peu parlé, j'ai l'impression, par la suite. On l'a un peu oublié, cet Allemand. Comment ça s'explique ? Il y a un tel condensé de rebondissements, d'événements dans ces 10 jours. Hein. C'est une époque où le secours en montagne n'est pas encore aussi structuré tel qu'il est aujourd'hui. Il va justement se structurer en 71 après le secours des Grandes Jorasses. Là, c'est l'époque où il y a déjà un peu des gendarmes, ils sont un peu en second plan. Les alpinistes peuvent venir aussi prêter main forte. Et là, il s'est avéré que cet Allemand faisait partie d'un camp justement d'Allemands. Il connaissait les deux Allemands. Il s'est joint au militaire, il a proposé ses services. Et donc je crois qu'il s'est tout fait en tentant de descendre en rappel avec ses cordes justement au-dessus de la ville. Mais c'est vrai que finalement, les deux Allemands étaient sauvés, mais il y a quand même eu un mort dans ce drame. À la fin, hier, vraiment était très très beau parce que... Gary Hemming. Tout le monde a fait son boulot, son petit boulot. Et dans la dernière partie, c'est marché comme une machine. Hein. Vous êtes prêt à repartir en sauvetage quand? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Gary? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, là? La première chose que vous allez faire? Je ne sais pas. Je crois que j'ai envie de manger quelque chose. Quoi? Qu'allez-vous manger? Un hamburger et la Coca-Cola. Hein. Les gars, je crois qu'on peut laisser Gary maintenant, tous. Hein. Merci, Gary. Merci bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Lothar Mohr, quand vous repensez à cet exploit, quand même, à ce sauvetage, qu'est-ce que vous ressentez? Pour moi, c'était comme faire une très grande voie en montagne. J'ai plus de fierté pour la face nord de l'Aiger que pour un sauvetage aux Drus. On sauve deux Allemands qui étaient trop présomptueux parce qu'ils ont attaqué une montagne dont ils n'étaient pas à la hauteur. Mais enfin bon, ne critiquons pas des gens qui sont moins forts que nous. De toute façon, il faut être humble en montagne. Ça. Il y avait, si je comprends bien, une sorte de petit piment d'aventure aussi dans cette opération de sauvetage. C'est bien petit ça. Quoi? Un petit goût, a taste of adventure. Beaucoup plus qu'un petit. Hein? Mm-hmm. Beaucoup plus qu'un petit. Hein? Mm-hmm. C'est une bonne partie de ça, c'est l'aventure. Hein? Vous ne connaissiez pas ces gens-là, ces Allemands? Vous n'avez jamais vu? Non. Il en a le droit d'avoir un peu de difficultés comme tout le monde. De temps en temps, chacun a besoin d'un peu de sauvetage. Aussi, autant dans la vie que dans la montagne. C'était Gary Hemming, le vagabond des cimes. Avec Lothar Mohr, François Guillot, Antoine Chandelier et Yves Balu. Archives INA, ORTF, 1966. Merci à Catherine Destivel, Lorraine Afanassieff, Charlie Buffet, Isabelle Chassin du Centre de documentation des clubs alpins français, Jacques Vaucher et Gaspard Hirschi. Coordination, Christine Bernard, un documentaire d'Hélène Delis et François Test. La suite du documentaire sur Gary Hemming, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.